baisse pas les bras, c'est jamais perdu. Trop de fierté, on a la tête dure. Trop de souvenirs qui perdurent. Pas facile d'oublier, gros, on sait que c'est hyper dur. On sait que tes mots ne fait pas l'air dur. En manque de THC, on fume la verdure. T'as la calvitie, tu me parles de teinture. Toujours un survêt et ça parle de serrer la ceinture. On aime l'aventure, on aime les paris. Si tu m'as trahi, ne reviens pas passer la peinture. Très peu m'ont soutenu, beaucoup m'ont haï. On sait lire dans les yeux, pourtant on était faible en lecture. On reste connecté, très peu d'honnêteté. Partout c'est soit tu bectes ou tu te fais becter. Rabole ta fierté, elle t'a baladé chez nous en rêve de s'évader. Pour oublier nos soucis, on a souvent du mal à dire les choses. On vit la même tous les jours les mêmes choses. Faut de l'oseille pour changer les choses. On veut s'évader pour oublier nos soucis. On a souvent du mal à dire les choses. On vit la même tous les jours les mêmes choses. Faut de l'oseille pour changer les choses. On veut s'évader pour oublier nos soucis. Seul, alors je m'évade seul. Personne t'a fait croquer donc tu pars à la gratte seul. Tu veux toucher les gratte-ciel, pourtant t'es pas le seul. On vit au monde seul donc normal qu'on part seul. Tu laisses tomber l'école, rien à foutre des partiels. Pendant que le daron se casse le dos dans les parcelles. Tu te bats contre toi-même, ton jet d'un tarcelle. T'essayes de monter, plus de place dans la nacelle. On fait ce qu'on peut, on a ce qu'on fait. Chez nous on sait pas lire, pourtant on sait que compter. Tes pères veulent les affronter, n'écoute pas ce qu'ils racontent eux. Vas-y fais ce que tu sais père, pourtant on n'est pas là honteux. On fatigue à long terme, on laisse de la sueur. Trop de fatigués, pourtant se prennent pour des tueurs. Ne pas se fier aux rumeurs, on fait selon l'humeur. Une balle et tumeur, un traite comme une tumeur. On a souvent du mal à dire les choses. On vit la même tous les jours les mêmes choses. Faut de l'oseille pour changer les choses. On veut s'évader pour oublier nos soucis. On a souvent du mal à dire les choses. On vit la même tous les jours les mêmes choses. Faut de l'oseille pour changer les choses. On veut s'évader pour oublier nos soucis. On est tous fatigués de rien faire. Depuis longtemps on perd notre temps. Ne mets pas le nez dans les affaires. Un deck à toi tu peux couler un peu de temps. Il te faut du bif pour payer content. Même quand t'as tout ce que tu veux t'es jamais content. On se contente de ce qu'on a. Pendant que les autres galèrent tu passes du bon temps. Les petits montés veulent le terrain. Ça arrive en traite comme une âme dans le terrain. Trop de civils, un deck à toi t'en sais rien. De nos jours ça se déplace et t'nique sur ton terrain. Pourtant fie-toi à ton instinct. Quand c'est trop tard rien ne sert d'avoir des regrets. Sers-toi des erreurs du passé pour faire des progrès. Pourtant quand tu fais des choses fais-les de ton plein gré. On a souvent du mal à dire les choses. On vit la même tous les jours les mêmes choses. Faut de l'oseille pour changer les choses. On veut s'évader pour oublier nos soucis. On a souvent du mal à dire les choses. On vit la même tous les jours les mêmes choses. Faut de l'oseille pour changer les choses. On veut s'évader pour oublier nos soucis. On a souvent du mal à dire les choses. On vit la même tous les jours les mêmes choses. Faut de l'oseille pour changer les choses. On veut s'évader pour oublier nos soucis. On a souvent du mal à dire les choses. On vit la même tous les jours les mêmes choses. Faut de l'oseille pour changer les choses. On veut s'évader pour oublier nos soucis. On veut s'évader pour oublier nos soucis. On veut s'évader pour oublier nos soucis. On veut s'évader pour oublier nos soucis. On veut s'évader pour oublier nos soucis. On veut s'évader pour oublier nos soucis. S'évader pour oublier nos soucis.